Book 2 66 66 66 ضمائر الملكية 1 Pronom possessif 1 Pronom possessif 1 أنا يا الخاص بي Je, ma, mon. Je, ma, mon. Anna, la ajidu miftahi. Je ne trouve pas ma clé. Je ne trouve pas ma clé. Anna, la ajidu tadhkarata safari. Je ne trouve pas mon billet. Je ne trouve pas mon billet. أنت كاف الخاص بك. Tu ta ton. Tu ta ton. هل وجدت مفتاحك؟ As-tu trouvé ta clé? As-tu trouvé ta clé? هل وجدت تذكرة سفرك؟ As-tu trouvé ton billet? As-tu trouvé ton billet? هو هاء الخاص به. Il sa son. Il sa son. هل تعرف أين مفتاحه؟ Sais-tu où est sa clé? Sais-tu où est sa clé? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Sais-tu où est son billet? Sais-tu où est son billet? هي ها الخاص بها. Il leur. Il leur. قد ضاعت نقودها. Leur argent a disparu. Leur argent a disparu. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. Leur carte de crédit a aussi disparu. Leur carte de crédit a aussi disparu. نحنو نا الخاص بنا. Nous notre. Nous notre. جدنا مريض. Notre grand-père est malade. Notre grand-père est malade. جدتنا بعافية. Notre grand-mère est en bonne santé. Notre grand-mère est en bonne santé. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن. Vous votre. Vous votre. أين أبوكم يا أطفال؟ Les enfants, où est votre papa? Les enfants, où est votre papa? أين أمكم يا أطفال? Les enfants, où est votre maman? Les enfants, où est votre maman?